Chapitre 7. La mort n'est qu'un passage. Merwin rit la Valonne. La sensation de froid a disparu. Je flotte, en apesanteur, dans un océan d'étoiles. Je suis infini, et je suis minuscule. Je ne suis rien, et je suis tout. Suis-je encore Ewilan? Aucun point de repère, pas de limite, pas d'horizon. Je n'ai aucune sensation, à peine un léger picotement contre mon cœur, là où une forme chaude était autrefois blottie. Des galaxies s'ouvrent devant moi. L'univers entier se dévoile et, à chaque nouvel astre qui apparaît, je m'allège d'un souvenir. Je ne suis plus que moi, libérée des autres, libérée du monde, libérée de tout. Je deviens pensée et les étoiles me tendent les bras. Soudain, elle est là. Immense, puissante, sage. Là où je flotte, elle nage. Là où je me perds, elle est chez elle. La dame. Son œil mordoré s'ouvre pour moi. Elle me parle. Les baleines vont où elles veulent, dans l'océan ou dans les étoiles. Mais toi, ta place n'est pas ici. Ton destin est ailleurs. J'ai besoin de toi, de ton aide. Va, retourne tenir ta promesse. Les étoiles pâlissent. Les galaxies s'estompent. Je me rappelle. J'ai de nouveau froid, mais de mon cœur une onde de chaleur parcourt mon corps, lutte pour moi. J'ai mal. Je voudrais continuer à flotter. J'ouvre les yeux.